Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui dans Portrait d'assaut, rencontre avec France Bénévolat Nancy, une structure qui accompagne celles et ceux qui souhaitent s'engager dans une association. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Marie-Lise Cader. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais avec plaisir. Vous êtes présidente de France Bénévolat Nancy. Voilà, je suis présidente de France Bénévolat Nancy. Le but de notre association, est qui est une association sur le plan national, reconnue d'utilité publique avec des soutiens, entre autres du ministère de l'Éducation, de grandes sociétés qui reconnaissent, pour nous c'est important, qu'ils reconnaissent la valeur et gérer les compétences entre guillemets, sans être trop présentés, de France Bénévolat. Voilà. Voilà, vous avez fait votre entrée le lundi 8 septembre avec une nouveauté cette année, c'est que vous avez changé d'adresse. Voilà, on a changé d'adresse, nous sommes maintenant rue de MacMahon. C'est au 125 rue MacMahon. Nous sommes là, 125, voilà, c'est ça, rue de MacMahon, et dans un local où les associations des paralysés de France nous ont mis un bureau à disposition. Et vous l'avez dit, association reconnue d'utilité publique, vous faites ce relais entre associations et des personnes qui souhaitent s'engager. Voilà. Et notre mission, c'est juste cette promotion du bénévolat se fait par les associations qui ont besoin de bénévoles dans tous les domaines, et des personnes qui veulent faire du bénévolat. Donc nous recevons, je dirais, deux types de personnes qui veulent faire du bénévolat, celles qui ont vraiment des idées très précises en disant, bon ben, moi j'aimerais m'orienter vers le social ou vers le médical, enfin, etc., ou le sportif, ou d'autres qui ne savent pas trop. Donc en fonction des demandes qui sont faites par les associations qui adhèrent à France Bénévolat et qui nous ont fait part de leurs besoins, on essaie donc de les orienter, ces personnes, vers ces différentes associations. Parfois, on entend dire qu'il y a une crise du bénévolat, qu'il y a de moins en moins de bénévoles. Non, parce que d'ailleurs, le dernier sondage qui a été fait par l'IFOP signale justement que le bénévolat est toujours là, bien présent, mais il a changé. Il a pris une autre forme. Ouais. Ce qui se faisait, je dirais, le bénévolat d'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années est différent de celui de maintenant parce qu'il répond aussi à des besoins. La société a évolué, donc il a fallu s'adapter. Et en fonction de ça, donc, le bénévolat a changé. C'est-à-dire que ce qu'on disait il y a plusieurs années, bon, ce sont surtout les retraités qui font du bénévolat, pas obligatoirement. Il y a beaucoup de jeunes, la tendance est inversée. Il y a justement beaucoup plus de jeunes maintenant qui s'engagent, moins de retraités pour différentes raisons. Et puis, j'irais cette tranche d'âge qui ne font pas partie des seniors, mais qui ne font plus partie des étudiants, mais qui veulent aussi s'engager. Et là aussi, dans des missions beaucoup plus, ponctuelles, comme les étudiants, c'est-à-dire en fonction de leur disponibilité, on essaie de leur trouver justement des actions pour les étudiants qui viennent nous solliciter, parce que dans le cadre de leur cursus, ils doivent faire un temps de bénévolat, donc ils viennent nous voir, et là on essaie de leur trouver, avec le tempérament de la jeunesse, il faut des actions qui soient assez vives, comme on a souvent des demandes, par exemple des groupes sportifs qui organisent quelque chose les week-ends, et qui ont besoin de bénévoles, mais pour un temps très déterminé. Donc, vous voyez, on essaie de répondre à tous les besoins que nous demandent, que nous sollicitent les associations. Et les associations, donc, peuvent vous solliciter? Dans des domaines très divers, ça peut être dans le secteur social, par exemple, je pense la banque alimentaire, le secours populaire, etc. Ça peut être aussi dans le domaine culturel pour accompagner certaines associations. Je pense entre autres à l'association de malvoyants, Valentin, oui, d'une part, mais surtout le GI2A, qui est le groupement des intellectuels aveugles, donc qui aimerait être au courant de tout ce qui se passe dans le domaine culturel. Donc ce sont des personnes aussi qui font appel à nous. Ça peut être aussi dans le domaine sportif, je vous disais. Oui, tout à fait. Le handicap, enfin tout. Le rôle de France Bénévolat, c'est de faire ce lien, mais c'est aussi d'accompagner. Alors comment ça se passe? Si une personne aujourd'hui souhaite faire du bénévolat, il frappe à votre porte au 125 rue MacMahon, ou il vous contacte par internet ou autre. Oui, là, vous les rencontrez, vous discutez avec. Voilà, on a un site, ils peuvent nous contacter de cette façon-là. Et donc, on fait un entretien, si vous voulez. Alors, quelquefois, il y en a qui arrivent avec leur CV. On n'est pas exigeant à ce point, mais c'est surtout pour voir quelles sont leurs compétences. Et puis leurs souhaits. Quand je dis compétences, souhaits, c'est-à-dire que leurs souhaits correspondent à leurs compétences ou inversement. Donc après un petit entretien pour permettre aux personnes de se découvrir aussi, parce qu'il y en a qui nous disent « Oh là, moi, le bénévolat, je n'ai pas beaucoup de disposition pour le bénévolat. » Alors en fait, après un autre entretien, ça leur fait une autre ouverture, une façon de s'intégrer dans le domaine social aussi, un service civique aussi. Donc c'est important. En principe, c'est pour ça que je dis on fait des réunions interassociatives avec les associations qui adhèrent à France Bénévolat pour faire un petit peu le point justement sur ces bénévoles, les personnes qu'on leur a adressées, ce qu'il en est advenu, s'ils sont satisfaits, si les bénévoles sont satisfaits, enfin voilà, dans tout ce domaine-là. Le bénévolat, c'est important pour les associations parce qu'elles recherchent des bénévoles, mais aussi pour les personnes qui s'engagent comme bénévoles. Alors qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ça peut être aussi un poids dans leur cursus, dans leur progression, parce qu'il existe, et ça je pense que c'est assez peu connu, un passeport bénévole. Oui, voilà, c'est ça. Alors ce passeport bénévole, celui que nous avons, c'est la propriété de France Bénévolat, et qui est d'ailleurs, comme je vous disais, soutenu par l'éducation nationale, l'AFPA, etc. Mmh. Et je parle de l'éducation nationale parce que ça nous permet également de faire des missions de présentation du bénévolat dans les lycées. Auprès des jeunes, ça leur donne aussi une autre ouverture d'esprit et puis aussi leur permettre de voir qu'ils peuvent s'engager dans la vie civique en fonction de ce qu'ils peuvent apprendre dans le bénévolat. Donc ce passeport bénévole, c'est quelque chose de physique, voilà, c'est ça. Ce passeport, il est remis soit dans des associations qui en font demande, je pense une grande association qui a beaucoup de bénévoles, comme la Banque Alimentaire par exemple, le Secours Populaire, vous voyez, qui ont pas mal de bénévoles et qui veulent valoriser le bénévolat qui est fait chez eux, ces associations leur distribuent un passeport bénévole. Ce passeport bénévole qui est donc reconnu, comme je vous le disais, et qui certifie toutes les missions bénévoles qui ont été accompagnées dans les associations. Donc il est important parce qu'il peut servir dans le cadre de réalisation d'un CV, comme je vous disais aussi pour les étudiants. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle aussi, enfin ce qui est en place, le mécénat de compétences. Des personnes qui sont engagées dans la vie active, qui sont dans des sociétés et qui désirent bien faire du bénévolat. Et ces sociétés passent, c'est un, je dirais, un contrat, si vous voulez, avec France Bénévolat, de façon à permettre à ces personnes qui veulent faire du bénévolat de les intégrer dans France Bénévolat et leur de confier certaines missions. En principe, c'est 2 ans, le maximum. Oui. Mais pour ces personnes, après, donc, elles ont ce qu'on appelle ce mécénat de compétences et qui est certifié par le passeport bénévole. Donc, ce passeport bénévole, il est, voyez, distribué dans tous les domaines. Voilà. Même pour des personnes qui sont aujourd'hui éloignées, qui ne sont pas forcément étudiants, qui sont au RSA, par exemple, et qui s'investissent, ça peut être aussi un support dans une VAE, dans une validation d'acquis d'expérience. Tout à fait, tout simplement. Il nous arrive aussi d'avoir des personnes qui ont fait du bénévolat pendant longtemps, et puis qui se disent « Bon, j'ai entendu parler, par exemple, du passeport bénévole, ou j'ai entendu parler de ce qu'il peut nous apporter, etc. » qui viennent nous voir. Et c'est donc un plus pour ces personnes-là. Et je vous dis qu'ils n'ont pas du tout fait des missions dans les associations que nous pouvons leur proposer, mais c'est tout simplement pour elles une reconnaissance, si vous voulez, de leur engagement associatif. Parce qu'on développe des savoir-faire, des savoir-être, etc. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est ce que je dis aussi, quelquefois, il y a des personnes retraitées qui viennent nous voir et qui ne savent pas trop, mais j'ai dit c'est important pour vous aussi, parce que vous êtes quand même des passeurs de mémoire. Et c'est quand même important aussi de pouvoir créer ce lien social de cette façon-là. Vous avez dit intervenir dans différentes structures, dans des lycées aussi, hein, c'est ça? Ça, c'est important, cette, là aussi, de transmission de... Voilà. Et puis, pour les lycéens, je sais qu'on a fait à deux reprises, justement, des interventions dans un lycée. Et à la suite de ça, les jeunes se sont regroupés pour créer leur propre association. Il y en a une qui allait récolter les invendus de légumes, etc., pour les donner. Et puis une autre qui s'engageait dans la collecte de vêtements. C'est ça qui est important pour les jeunes, de leur donner cette ouverture d'esprit aussi, du service envers les autres. Donc il n'y a pas de crise du bénévolat, il y a toujours autant de bénévoles, voilà. Ça change, c'est tout. Il y a toujours autant de bénévoles, puisqu'on les chiffre par millions en France. Même. Voilà. Ouais. Il n'y en a pas des millions à Nancy, mais enfin, il y a quand même beaucoup de bénévoles. Et vous-même, Marie-Lise Cader, vous êtes présidente de cette association France Bénévolat. depuis quelques années maintenant. Oui, oui, oui. En plus, j'ai une vie associative derrière moi qui est un engagement qui est... Donc voilà, c'est ça. C'est un virus qu'on a et je crois qu'il est difficile de s'en débarrasser. Et que vous transmettez à d'autres aussi. Vous êtes présent notamment des fêtes des associations. Il y en a une à Nancy le 27 septembre prochain. Vous y serez. Alors voilà, c'est ça. On est allé aussi à Vendeuvre, la fête des associations. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on organise des colloques. Sur des thèmes très précis. Justement, on en avait organisé il y a quelques années sur le bénévolat. Que devient-il ? Vous voyez, c'était donc... Alors là, on a des personnes qui représentent différentes structures, qui en parlent. Et en même temps, on avait fait mention cette année-là de l'importance du bénévolat, comment il se développait, même à l'étranger. Puisqu'on a, dans le cadre de France Bénévolat National, un secteur international, si je puis dire, qui est orienté sur les migrants. Alors, on avait fait également une année, une réunion interassociative, justement, sur ce problème d'accueil des migrants, comment les aider à s'intégrer par différents moyens, puisqu'on en a qui vont dans certaines associations, donc pour montrer également tout ce que on peut leur apporter. En vous écoutant, on comprend pourquoi France Bénévolat est reconnue d'utilité publique. Oui. Vous avez vraiment un rôle essentiel dans le tissu associatif. Oui. Donc on n'hésite pas à vous contacter. On rappelle que vous êtes au 125 rue de MacMahon à Nancy. Oui. Le site internet, c'est francebénévolat.org. Oui, c'est ça. Oui. Et même pour aller plus loin, on a parlé du passeport bénévole. Il y a aussi un site internet qui est dédié. C'est le www.passeport-bénévole.org. Voilà, oui. C'est ça. Et un numéro de téléphone, parce qu'il a changé, c'est le 06 08 72 28 35. Les lundis et vendredis de 14h30 à 16h30. Et éventuellement sur rendez-vous si on avait besoin d'une rencontre un peu plus personnelle, si vous voulez. Voilà, on n'hésite pas à vous contacter. Peut-être, je vais vous laisser le mot de la fin, le dernier argument peut-être pour inciter des auditeurs. Alors qu'ils fassent partie d'une association, qu'ils soient président d'association pour passer par vous, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Eh bien, d'abord, je leur dirais qu'il ne faut pas perdre courage parce que lorsqu'on est responsable d'une association ou d'une structure quelconque, il faut parfois, je ne veux pas dire s'accrocher, mais savoir gérer, faire face aux difficultés que l'on peut avoir, mais aussi en contrepartie la satisfaction que l'on a, je ne veux pas dire du devoir accompli, mais enfin de l'importance que le bénévolat apporte à la société, c'est surtout ça. N'hésitez pas à faire du bénévolat, venir nous rencontrer. Voilà. Merci beaucoup Marie-Lise Cadet. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Et puis j'espère que la bonne parole va être diffusée sur tous horizons. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.